بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أجد في تفسير القول في تأويل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Donc la parole sur l'interprétation de la parole d'Allah, dont la traduction du français, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, leur djalabib, le pluriel de djilbab. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Le djilbab, la racine du mot djilbab, djalaba, la djim, la lame et la ba. L'auteur de Maqayis al-Lugha dit que ça indique une chose qui cache une autre. Ensuite, l'imam al-Tabari dit يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق اذا علم انهن حرائر باذن من قول. Donc Allah Ta'ala dhikruh dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, dis à tes épouses, tes filles et les femmes des croyants de ne pas ressembler aux servantes dans leur façon de s'habiller lorsqu'elles sortent de leur maison pour un besoin et qu'elles découvrent leurs cheveux et leur visage, c'est-à-dire les servantes, mais qu'elles fassent tomber sur elles de leur voile, de leur djalabib, donc de leur djilbab, afin qu'un pervers ne se présente pas à elles, car il saura qu'elles sont des femmes libres, et il ne les importunera pas par de mauvaises paroles. Et j'ajoute que le fait qu'ils citent lorsqu'elles sortent de chez elles pour un besoin, car la base chez la femme est qu'elle reste chez elle. Comme Allah Azzawajal dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et restez dans vos demeures, et ne vous exhibez pas comme les femmes de l'époque pré-islamique. Puis il dit ثم اختلف اهل التاويل في صفه الادنى الذي امرهن الله به فقال بعضهم هو ان يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن الا عينا واحده. Donc les interprètes, les exégètes ont divergé sur la caractéristique de al-idna, c'est-à-dire le fait de faire ce qui est cité dans la aya, qu'elle rapproche d'elle. L'idna, c'est le fait de rapprocher leur djilbab. Donc l'idna qu'Allah Azzawajal a ordonné dans cette ayah. Donc certains ont dit, c'est le fait de cacher leur visage et leur tête et de ne montrer qu'un seul œil. Dhikru man qala dhalik. Donc ensuite, il cite qui a dit ça parmi les salafs. حدثني علي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. Donc là, il cite avec la chaîne de transmission. Donc l'imam al-Tabari, rahimahullah, est du 3e siècle, il est né en 224 et est mort en 310. Donc il rapporte par sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, tarjuman al-Qur'an, l'exégète du Qur'an, sur cette ayah qu'il a dit, Allah a ordonné aux femmes croyantes, lorsqu'elles sortent de leur demeure, pour un besoin, de cacher leur visage de dessus leur tête, par les djilbab, et de ne laisser qu'un seul œil. Et cette chaîne est faible, car elle contient Abu Salih, Abdullah ibn Salih, le scribe d'Al-Layth, qui est faible, et également Ali ibn Abi Talha, qui rapporte d'Ibn Abbas, n'a pas entendu de lui. Même s'il a été cité qu'il a pris de Mujahid, qui a pris d'Ibn Abbas. Ensuite il dit حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فلبسها عندنا ابن عون قال ولبسها عندنا محمد قال محمد ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به فقطع أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. Donc ce sont des imams qui rapportent les uns les autres. Mohammed c'est Ibn Sirin, le grand imam connu, qui rapporte de Ubayda, qui est As-Salmani, parmi les grands tabi'in, qui ne rapporte que deux compagnons, qui sont Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. Donc sur cette ayah, Ibn Aoun a montré à ses élèves, comme l'avait fait son cher Mohammed ibn Sirin, comme l'avait fait le cher de Mohammed ibn Sirin, Ubayda al-Salmani. Donc Ibn Aoun s'est couvert de sa cape et a caché son nez et son œil gauche et a fait apparaître son œil droit. Et il a fait tomber donc d'en haut son manteau, son rida, jusqu'à le mettre proche de ses sourcils ou sur ses sourcils. Donc il a couvert son visage, sauf l'œil droit, puis il a refait tomber sur le haut de sa tête, jusqu'à ce que ça arrive au sourcil. Et donc la chaîne est authentique, jusqu'à Ubayda, qui cite ça comme étant l'explication de cette ayah. Et il est mort en l'an 70, donc il a vécu au tout premier temps de l'islam. Puis l'imam al-Tabari dit, rahimahullah, حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. Donc là, une autre chaîne de transmission jusqu'à Ibn Sirin qui dit: j'ai demandé à Ubayda sur cette ayah et il a montré avec son vêtement en cachant sa tête et son visage et en laissant apparaître de son vêtement un seul œil. Et la chaîne est également authentique. Hushayn Istiqa et Nukiswa Mudallis, il a affirmé clairement qu'il a pris le hadith de Hisham, qui est Hisham al-Hassan al-Azdi, qui est parmi les rapporteurs les plus fermes d'après Ibn Sirin, de qui il rapporte ici. Ensuite, l'imam al-Tabari, rahmahullah, dit: وقال آخرون بل أمرنا نشددنا جلابيبهن على جباههن. Et d'autres ont dit, donc sur l'explication de cette ayah, il leur a été ordonné de serrer leur djilbab sur leur front. ذكروا من قال ذلك. Donc ensuite il cite qui a dit ça. قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى قوله وكان الله غفورا رحيما قال كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها. Donc Ibn Abbas a dit, رضي الله عنهما, sur cette ayah, que la femme libre s'habillait comme s'habillait l'esclave. Donc Allah Azzawajal a ordonné aux femmes croyantes, c'est-à-dire libres, de faire rapprocher sur elles leur djilbab. Et le rapprochement du djilbab, c'est qu'il voile et qu'il soit attaché sur son front. Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité cette chaîne dans certains de ses livres en citant que c'est une chaîne composée que de rapporteurs faibles, jusqu'à Ibn Abbas. Mohammed ibn Sard est faible, et son père également, de qui il rapporte, et son oncle, et le père de celui-ci, et le père de celui-là, tous sont faibles. Donc ces cinq rapporteurs, entre At-Tabari et Ibn Abbas, sont tous faibles. Ensuite il dit: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أخذ الله عليهن إذا خرجنا أن يقنعنا على الحواجب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. Donc là, c'est la parole de Qatada qui dit au sujet de cette ayah, au prophète dit à tes femmes, tes filles et les femmes des croyants. Qatada dit: Allah a pris d'elles, Allah a ordonné, a pris l'engagement d'elles, lorsqu'elles sortent, de se voiler sur les fronts. Ceci est plus à même qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas, qu'on ne leur cause pas de tort. Car là, il dit Qatada, car là, l'esclave, lorsqu'elle passait, était la cible de tort. Alors Allah a interdit aux femmes libres de ressembler aux esclaves. Donc la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Qatada. Bish, c'est Ibn Hilal al-Sawwaf, Thiqa. Yazid, c'est Ibn Zuray, Thiqa, qui rapporte de Saïd, qui est Ibn Abi Aruba, qui est un imam, et qui, bien qu'il soit Mudallis, est parmi les rapporteurs les plus fermes parmi les élèves de Qatada, de qui rapporte ici. Et Qatada, c'est Ibn Di'ama, Abu al-Khattab, al-Sadousi, le grand tabi'i, qui est le plus ferme des rapporteurs, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, après Az-Zuhri. Et il est né vers 60 ou 61, et est mort en 110 et quelques. Awasit, rahimahullah. Ensuite, l'imam al-Tabari dit, حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يدنين عليهن من جلابيبهن يتجلبن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. Donc là, c'est la parole de Mujahid qui dit sur cette ayah, elles se voilent, donc en mettant leur djilbab, afin qu'on sache que ce sont des femmes libres et qu'un pervers ne se présente pas à elles en les opportunant, en disant de mauvaises paroles ou en ayant des soupçons. Donc la Thar est authentique par les deux chaînes qu'il a citées, qui vont jusqu'à Abdullah ibn Abi Najih, qui rapporte de Mujahid. Et Mujahid, c'est Ibn Jabr, Abu al-Hajjaj, al-Makki, parmi les tabi'in, parmi les grands élèves d'Ibn Abbas, imam dans le tafsir, qui est mort un peu après l'an 100, et qui a dit, j'ai présenté le Coran à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, en l'arrêtant à chaque ayah et en l'interrogeant sur quoi elle a été révélée et comment. Ensuite, l'imam al-Tabari, rahimahullah, dit, حدثنا ibn Humayd, قال حدثنا حكام عن عنبسة عمن حدثه عن أبي صالح. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرهن إذا كان الليل خرجنا يقضين حوائجهن وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة. Donc Abu Salih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médina et ses épouses sortaient la nuit pour faire leurs besoins et des hommes étaient assis sur la voie pour parler aux femmes. Alors Allah azzawajal a descendu cette ayah, c'est-à-dire qu'elle se voile par les djilbab afin qu'on reconnaisse la servante de la femme libre. Donc là, comme on le voit, c'est Mursal. Abu Salih n'est pas un sahabi qui rapporte ça directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il manque quelqu'un, il y a un homme qui n'est pas cité dans la chaîne de transmission. Donc la chaîne est coupée. Ensuite, At-Tabari dit, rahimahullah, wa qawluhu dhalika adna an yu'arafna fala yu'dayn. Donc c'est le rapport d'Allah. Ta'ala dhalika adna an yu'arafna fala yu'dayn. Ils en seront plus vite reconnus et éviteront d'être offensés. Yaqulu ta'ala dhikru idna'uhunna jalabibuhun idha adnaynaha alayhinna aqrabu ahra an yu'arafna mimman mararna bih wa ya'lamu annahunna lasna bi'imah fayatanakkabu an adahun biqawlin makruh aw ta'arrud yariba. Donc Allah Azzawajal dit, le sens de ça, c'est que le fait de rapprocher leur djilbab lorsqu'elle les rapproche sur elle est plus apte à ce qu'elle soit reconnue lorsqu'elle passe, et que les gens sachent que ce ne sont pas des esclaves, qu'ils ne leur portent pas atteinte par de mauvaises paroles ou en ayant des soupçons sur elles. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا. Et Allah est pardonneur. لِمَا سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنْ تَرْكِهِنَّ إِدْنَاءَهُنَّ الْجَلَابِيبِ عَلَيْهِنِ. Donc, il est pardonneur de ce qui s'est passé antérieurement de leur part, dans le fait qu'elles ont délaissé le fait de rabattre leur djilbab sur elles. رَحِيمًا. Donc, miséricordieux. بِهِنَّ أَنْ يُعَاقِبَهُنَّ بَعْدَ تَوْبَتِهِنَّ بِإِدْنَاءِ الْجَلَابِيبِ عَلَيْهِنِ. Donc il est miséricordieux envers elles de ne pas les châtier après leur repentir qu'elles ont fait en rabaissant leur djilbab sur elles. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.